que quelqu'un a parlé de nouveauté. C'est la chance au coureur. Bonjour et bienvenue à la 100e édition de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM cette semaine en cheval. On a Mathieu Plante avec vous pour 2 heures pour découvrir ces nouveautés. On déballe avec plaisir et évidemment Danny Janvier est là aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour, tu vas bien? Oui, oui, mon seul rendez-vous radiophonique maintenant. C'est vrai, il reste juste ça, c'est fini, t'as tout perdu. Ouais, ouais, il me reste une émission à E3 la semaine prochaine. C'est vrai, il t'en reste une encore, c'est bon. Ouais. On va te retrouver à l'automne de toute façon. Oui, oh, oui, bien sûr. Génial. Donc, on aura l'occasion de se parler un petit peu plus tout au long de l'émission, vous donner les façons de nous contacter, etc. et recevoir un invité spécial plus tard. Mais pour l'instant, on écoute Alexandre Béliard avec la star du rodéo à la chance au coureur sur CIF 89.FM. Choc où il fascine, tout comme les stars. Alexandre Béliard. À CIFU 89.1 FM, vous écoutez La Chance au coureur. AlexandreBéliard.com est son site web. Et puis, ben, c'est un petit Québécois, comme ça. Puis son album est sorti en mars 2005. Ça fait un an déjà. Donc, c'est un nouveau single de son album. La pièce s'appelle La Star du Rodéo. On a reçu aussi un album de Boucan. Mais avant ça, on va vous dire comment nous contacter en studio. Oui, 376-5183 par téléphone, bien sûr. Et sur le site internet, chance.cifou.ca. Quelle belle adresse, chance.cifou.ca. Nouveau look, d'ailleurs, ça me tentait de changer tous mes sites cette semaine. Donc, allez voir ça. Un petit renouveau printanier. Ben oui, ça fait changement. T'sais. Donc, chance.cifou.ca ou cifou.ca, cliquez sur la chance au coureur en bas à droite. Le nouvel album de Boucan est éponyme. Hein? Donc, c'est un groupe qui vient du Nouveau-Brunswick. Dan, t'as écouté ça un petit peu? Ouais, j'ai trouvé ça. Ben non, je l'ai écouté en masse, ouais. Mais je l'ai comme survolé parce que les pièces me touchaient pas ben... dans mon quotidien. Il sort tellement de bons trucs en français ici, ces temps-ci, genre le Husky, El Motor, Trompe-l'œil, etc., Malajube, que je trouve que ça sonne un peu vieux rock. C'est pas assez alternatif. Ça sonne trop formation qu'on était habitué d'entendre dans les années 80-90. Mm-hmm. Puis, en tout cas, je sais pas. Ben, ce que ça dit ici, c'est que les ingrédients sont tous là pour nous faire taper du pied. Ouais, peut-être. Le nouvel extrait, c'est « On aura toujours bien l'univers, un rock comme il s'en fait peu », selon leur site web. Ben, c'est ça, c'est rock. Il s'en fait peu, de rock comme ça, c'est ça. Donc, il y a aussi le vidéoclip que vous pouvez télécharger sur le site qui est boucan.com, B-O-U-K-A-N-E.com. Le vidéoclip, c'est « Petit coin noir ». Mais on écoute tout de suite la pièce « On aura bien l'univers hein? ». On aura toujours bien l'univers, tout de suite à la chance au courant. Vous en ferez une idée, toi aussi, Mathieu. Ouais. On aura toujours bien une opinion là-dessus. Yes. Okay. J'essayais tard d'avoir dit juste un peu plus tôt. Une oreille d'éviter ben des dégâts. Il faut qu'on se parle. Certaines choses sont dures à dire. Faut mettre les cartes à table. Tu sais, c'est trop facile de marcher des sentiers battus avec l'amour qui dort dans le cimetière. Nous on cocoon devant le site télé. Ça me donne les bleus. Les bleus c'est pas mieux que le vert et gris. J'suis ben trop jeune pour me laisser pourrir. C'est pas facile. Y'a toujours les amis. Une bonne bière froide, des gros joints à l'oreille. Pourrait faire semblant de s'aimer, avoir des petits, essayer de s'adonner. Y'a plus rien à se dire. Prends ton chemin, je vais prendre le mien. Quand j'ai comme mon cœur, je fais confiance au destin. On aura toujours belle l'univers. j'ai aimé trop. J'ai aimé. Oh. Sur la route et ça coûte. J'ai aimé au bout des soleils rouges. Oh, j'ai aimé. Tout aimer pareil. Et il en reste quoi? Les petits déjeuners sur l'herbe. Les... Bonjour, mon amour. La douche, la mouche, Fernand Roland, Brassens et sa bande. Les grands livres d'histoire remplis d'espoir. J'ai perdu la mémoire. Les nuits folles, au fracas des vagues, Biarritz, Atlantic City, mes amis, les chiens et les chevaux, mes tempêtes aux cheveux emmêlés, mes verres de rosé, mes paris à n'en plus finir, et les films, Fernandel, Bourville, Simone Signoret, Yves Montand, Philippe Noiret, Robert De Niro. J'ai aimé trop. Oh, j'ai aimé. Sur la route et ça coûte. Et les chansons, Brel, Ferré, Barbara, Nougaro, Jonas, Lerita, Mitsuko, L'Éveillé, Ferlin, Ginette, Ginette, les Beatles, Johnny Mitchell, Paul Simon, Led Zeppelin et la peinture, Dali, Picasso, Renoir et Sol, la musique, Sol, Jared, Pastorius, Beethoven, Bach et Henri Texier. J'ai aimé. Oh, j'ai aimé. J'ai aimé. Tout aimé pareil. Sur la route. Et ça coûte. Le Garbory. J'ai aimé l'album Dans ce monde pout-pout. Oui, qui était en entrevue avec les gars d'Art d'ici. Vendredi dernier. Oui, oui, oui. Non, pas ce matin. Hein? Donc, vous écoutez La Chance au coureur. On découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales et on fait des jokes que vous ne comprenez pas. On est. J'avais juste dit. Ah, c'est ça, mais moi, j'aime ça niaiser là-dessus. Tout a rajouté. Ah, je sais. Après 100 émissions, on ne change pas de style de joke. On reste les mêmes. C'est ça. Je disais tantôt à Danny qu'on voulait pas s'éterniser sur le fait que c'était notre 100e émission. Un, parce que c'est pas important, le nombre d'émissions que tu fais. Hein? Et deux, parce que le monde s'en fout quand ils écoutent à la radio. Il y a juste la télé hein, qui capote avec ça. Ouais, des ballons puis des. des pétards. Des, comment dire, des cossins qui se fait virer. En tout cas. Des crécelles. Des crécelles. Crécelles, c'est ça des que je voulais crécelles. Dire. Donc, plus tard dans l'émission, on va avoir beaucoup de belles choses. Oui. Autre que la musique, évidemment. On va avoir aussi la visite d'Alain Lefebvre en fin d'émission. Hein, ça va être très, très bon. Notre invité particulièrement bon. On aime l'avoir. Et un autre invité particulièrement cool qu'on aime avoir aussi. C'est Jean-François Brunel, qui est le créateur de La Chance au coureur. On va avoir quelques beaux petits moments avec lui, un beau petit 5-10 minutes. Ça va être le fun. Il va arriver vers la deuxième heure de l'émission, donc vers les midis si vous écoutez vendredi, ou vers les 14h si vous écoutez le mardi. Et pour la semaine prochaine, j'aurai peut-être quelque chose à te parler hors d'onde pour qu'on va présenter ça, en tout cas. J'ai hâte. Un spécial pour la semaine prochaine, pour vendredi prochain. C'est vrai, et ça, on va en parler très, très beaucoup en ondes sur C'est fou. Ça va runner, comme on dit en bon québécois, pendant les prochains jours parce qu'il y a une programmation spéciale qui s'en vient. En tout cas, donc, Bory, c'est ça. Vous l'avez écouté à Hardy si vous étiez là le vendredi, donc on va encore une fois pas trop s'éterniser là-dessus. Mais l'album s'appelle Dans un monde pout-pout. Côté francophone, encore une fois. Oui. Oui, pout-pout, expression à la mode selon certains gens. Le pout-pout chanceux. Je connais pas ça du tout, l'expression pout-pout. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi cette expression-là? Ben moi, l'expression pout-pout, pour moi, là, ça date du club. Le club, c'était les premières fois qu'il y a eu de la vente à la télé, genre, c'était un canal express juste de vente. Et, un téléannonce. Téléannonce, mais présenté avec des gens. Puis c'était genre filmé avec une webcam. Mm-hmm. Tu sais, l'image était vraiment slow, là, puis décalée. Puis quand il y avait quelqu'un qui achetait une bébelle, il disait, bon, on va vous donner un petit pout-pout chanceux. Ça va rapport. Puis il y avait un genre de klaxon de vélo, là. Ouais. Okay. Puis il donnait des pout-pout chanceux. Donc, moi, c'est ça pour moi, l'expression un pout-pout. C'est bon. Non, mais c'est parce que si tu connaîtrais l'émission, tu dirais. Mais même Rocky Belles-Oreilles l'avait parodié sur le club. Mmh. Puis il vendait genre des zirconia cubiques. C'était des genres de diamants, mais en vitre, finalement. En tout cas, c'était. C'est un peu comme Shopping TVA aujourd'hui, là. Ben, c'était la même affaire, sauf que c'était plus vieux. C'était pas avec Mondou. Ouais, puis la star, ils ont une caméra qui a de l'allure, mettons. Mmh. La qualité. Enfin, bon. Donc, l'album Il faisait vert de Murphy, entièrement produit par les productions Le 42 à Montréal, entre les mois de novembre 2005 et de mars 2006, sera lancé le 24 avril, 20h, à Montréal, au cabaret Le Lion d'Or. Murphy va interpréter 12 titres qui figurent sur leur nouvel album. Aussi, il va y avoir des monologues. Il va être entouré de 6 musiciens. Qu'est-ce que ça dit aussi dans leur communiqué de presse merveilleux ici qu'on adore ça? Murphy est né dans le quartier Villeray à Montréal en 1982. Après 2 années universitaires en philosophie à McGill, il se consacre maintenant entièrement à sa passion, la musique. Après quelques représentations, 2 démos et 1 public toujours croissant, il livrera son premier album Il faisait vert lors d'un spectacle, comme je disais, le 24 avril au Lion d'Or. L'album Il faisait vert regroupe 12 titres, dont 11 compositions originales et une reprise de Richard Desjardins, Les Yankees. Donc l'album ici www.murphy.ca, M-U-R-P-H-E-E.ca, et il y a des extraits visuels de spectacles antérieurs. Donc allez voir ça, murphy.ca. On va écouter une pièce de l'album tout de suite. On écoute L'arrivée du roi et de ses hommes tout de suite à La chance au pouvoir sur CIFU 89.1 FM. Et voilà ce que je disais. Belle place, c'est fou. Enfin arrivés contemplèrent leur Éden. Émerveillés, certains pleurèrent et d'autres, plus éblouis, se turent pensifs et fatigués. Ils vidèrent chacun les liqueurs de leur fiole, heureux comme le premier jour d'école. Des nuits et des jours pour y venir, ils traversèrent forêts humides, déserts secs et glaces blanches, voyant même le fond de la mer au bord du désastre évité. Leurs esprits agités par tant de beauté, par tant de chance qu'ils ne pouvaient s'imaginer mériter. Comment consommeraient-ils ce délice? Et des générations et des années pour y venir, ils s'installèrent une dernière fois. Les yeux affamés, les yeux voraces, le fond de l'âme glacé, malgré le froid absent là-haut sur les dunes. D'Éden élégant, à l'aventure, l'élan sous les pieds. Ils coururent jusqu'au bout, à cette extrémité que personne n'a encore pris le temps d'élaborer, ni sur papier, ni sur canevas. Cet espace calculable, cet endroit repérable, que même Dieu a tout simplement oublié. Ils y arrivèrent avec toutes les attentes du monde, entièrement satisfait. C'est alors que la fille qui les guidait depuis Hetzel les brusquant en hurlant. Vite, vite, il faut quitter cette douce vie. Le roi et ses hommes arrivent. We'll be right back. Vous écoutez le best-of de la shit live à la chanson coureur. On vient d'entendre Murphy, très bon. Il faisait vert était l'album. Et la pièce L'arrivée du roi et de ses hommes. On va écouter une deuxième pièce, une autre Comté de sable, tout de suite dans le best-of de la shit live à la chanson coureur. J'arrêterai jamais, c'est sûr. Il faut que je parte là-dessus. Pas de crap commercial, c'est fou. Merci. Par l'emblème de notre échec. Murphy avec une deuxième pièce, une autre contrée de sable de l'album Il faisait vert à la chanson coureur sur CIF 89 FM. On s'en va en publicité. Ouais, c'était de l'excellent shit live. C'était de l'excellent shit live, bitch. On va reprendre notre calme. Vous écoutez la 100e édition de la chanson coureur. On découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales. Au retour, la compilation Québec émergent 2006. Mais maintenant, a publicity, boys and girls and shit. Bon retour, c'est la 100e de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales. Bah ouais! Donc on continue en francophone avec la compilation Québec émergent 2006. J'ai choisi une pièce d'un groupe qui m'intéresse particulièrement par son nom, Simon J. and the Motherfucking Groovin' Virtual Dumb Band. Attends, je vais leur lire comme faut. Simon J. and the Fucking Groovin' Virtual Dumb Band. La pièce s'appelle Qui ne dit mot consent, mais dans le sens de consent. On se con apprend. C'est fin. Oh, aïe. Ça va pas très bien aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est fun. Ils vont t'appeler, man. Cool. Restez là parce que plus tard dans l'émission, Alain Lefebvre vient faire une critique d'un groupe de rock qui s'appelle Wolf Mother. Ça va être en fin d'émission. Et Jean-François Brunel, créateur et concepteur de La Chance au coureur, sera avec nous dans la deuxième heure si tout fonctionne comme prévu. Donc voici Simon J. and the Fucking Groovin' Virtual Dumb Band avec Qui ne dit mot consent. Have a chance to the random What they didn't do, what they didn't do, do, do, was practice, do, do, do. What they didn't do was practice how to land. Savez-vous qu'on vous fourre, c'est pour ça qu'on est pour. Savez-vous qu'on vous crosse, on vous tient par les gosses, puis on lâchera jamais, c'est même ça notre projet pour l'avenir. Savez-vous que tout compte fait, on vous prend pour des épais. Qu'en dernière analyse, on invente des bêtises. On n'en a rien à foutre, et c'est même ça la poutre de nos initiatives. Le savez-vous seulement? Qui ne dit mot consent? Le savez-vous qu'on sait? Mauvais. Savez-vous qu'on vous suce? On vous le met dans l'anus. Et puis quand ça passe pas, on a des gars pour ça, prêts à faire la sale job pour vous replacer le tie rod, ben comme faut. Savez-vous qu'on vous bourre un peu plus tous les jours? Et puis quand ça déborde, on est prêts à vous mordre. On a toutes sortes de drogues pour que vous dormiez sa blogue dans le troupeau. Le savez-vous seulement? Qui ne dit mon consent? Le savez-vous consent? Mauvais. Affaire pas trop haute, on en a plein les. Shoot the Moon High. Ici, Raymond Baudouin. Ça n'a plus rapport à rendu là, tu sais, en tout cas. C'est clair. On va sortir ça de notre système. Voici Shoot the Moon, Where Strangers Live à la chance au courant. The Moon, Where Strangers Live, sur la compilation Québec émergent 2006. Et juste avant, c'était Simon J and the Fucking Groovin' Virtual Dub Band avec qui ne dit mot qu'on sent. Et parle-nous de quelques bands qui se retrouvent là-dessus pour replacer les gens un peu. Absolument. Des bands comme The Hot Springs que j'adore, même que si la pièce est courte, elle est un petit peu longue, j'aurais peut-être fait passer. La pièce s'appelle The Fog and the Horn. Il y a aussi des affaires comme Surferino qu'on adore ici. René Lucier, que tu connais sûrement. Oui. Philippe B. Grand Marquis, Plastique. Twister avec ses anneaux, la jupe, son beau. Ah, ben oui, ben trop vrai. Son émergent. Extérieur, on pourrait continuer pendant des années avec cette voix-là. Ou encore parler de shit. C'est la note hein, qui fait tout. C'est la note. Ouais, la note. C'est la fin de la phrase. Ouais. Sérieusement, c'était la mode de dire, de parler comme ça. Faut que tu le dises de même. Habituez-vous. Il faut dire des affaires comme t'es fin. Des qualités, c'est surtout. T'es fin. Ah, les on peut mettre plein d'adjectifs. Oui, tu peux entourer ça. Tu peux. Sans bon, t'as du poil en dessous des bras. Il va falloir arrêter de le dire parce que tout le monde va le faire. Puis ça va devenir plat. Il va falloir qu'on arrête. Ça me tente pas d'arrêter. Je t'accro à ça. Je suis presque autant accro à ça qu'à la crap commerciale. Oh, puis à la good shit live. Et maintenant, c'est terminé. Je vais. Hey, ça arrête plus. Donc, sérieusement, on va okay. prendre. Ça fait comme 6 minutes dans l'émission qu'on gaspille à dire des affaires. Oh, ow! Mathieu. Shit, man! Hey, calme-toi. Shit, dude, motherfucker! T'es en train de virer. Je suis vraiment on fire aujourd'hui. Là, je te replace un peu. S'il te plaît. D'ici la fin de la première heure, on va essayer d'arrêter ça. Il nous reste encore 10 minutes dans la première heure pour découvrir encore un petit peu de francophone, parce que c'est ce qu'on fait dans la première heure. Avec un peu de sérieux. Ici, à la 100e édition de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique le best-of de la shit reçue assez fou. Mathieu, il veut une émission là, de 3-4. Okay. OK. Bon, donc on a reçu un album de Claude Nougaro qui s'appelle La Note Bleue, réalisé par Yvan Cassard et Éric Lignini. On va écouter une pièce courte qui s'appelle Les Chenilles. Ça l'a plate! Ah, je m'excuse. fallait rajouter aux gens qui écoutent pas la chanson courante régulièrement, moi je suis l'information et Danny Janvier est tout le temps l'opinion. Donc moi je me retiens, Danny se retient jamais. Quand il aime pas ça, il dit. Presque incontinent du verbe. Il est incontinent. Il pisse vers de tout. Bon. Claude Nougaro, son album, c'est du jazz. Mais la raison qu'il n'a pas été classé dans le jazz, c'est qu'il y a de la parole dessus. Donc, c'est du francophone classé populaire ici. Assez fou. On écoute la pièce des Chenilles. Et si c'est bon, et seulement si c'est de la great shit, on en passera une deuxième. Ben, tu sais, mettons, c'est ton beau-père. C'est pas si pire. Tu l'écoutes. Ouais, tu sais, t'as du respect parce que t'as pas le choix. Faut que tu dises c'était bon. Voici les Chenilles à la chance au coureur sur CF89 FM. Eat that shit. Il y aura des hommes, il y aura des tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tant qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps qu'il y aura des hommes, il y aura des temps, merde, crever, chenille, nous croyons au premier pas des papillons. C'est un investissement. Dans le futur, Dan, dans le futur. Donc, on vient d'entendre une pièce de Claude Nougaro qui s'appelle Les Chenilles. C'est ça, Claude Nougaro. OK. Non, j'ai aimé ça, c'était bon. C'était presque bon. C'était correct, passé pour en mettre une deuxième, par exemple. On a reçu aussi une compilation qui s'appelle Putumayo Presents Paris. Parce que, bon, on sait que Putumayo nous envoie une compilation à chaque quelques mois. On peut les retrouver en magasin. Ils sont bons. Facile à trouver. Il y a des artistes tels que Thomas Fersen, Coralie Clément, Carpath, Carla Bruni. Des artistes ici qui seraient connus, par exemple Kerenan, et puis c'est tout. Le reste, c'est des groupes vraiment typiquement français qu'on connaît pas encore ici. Par exemple, Aldebert, Myrtille, Amélie les Crayons, Presque Oui et Paris Combo. Donc, on va entendre une pièce de trio parce qu'on veut se faire plaisir. On a besoin de bons shit aujourd'hui. De toute façon, ce qu'il y a là-dessus, c'est tout pas des trucs neufs, là. T'sais, c'est non, tout ça, des trucs... c'est des vieilles affaires, mais des choses qui sont moins connues. Une compilation. On va se faire plaisir et on n'est pas du trio. Ça va. C'est ça. Embrasse-moi de support. Viens, mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Qui se passionne, qui se saigne. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Moi de subord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi. Talent Montana. Ce matin sur les ondes de C'est fou. Non, c'est pas vrai. Pour ceux qui écoutent C'est fou régulièrement, vous comprenez la joke. Si vous écoutez pas, vous savez pas. On vient d'entendre une pièce de la compilation Putumayo Presents Paris. Des artistes modernes de la nouvelle scène française et des prises classiques, des chansons classiques refaites par des artistes du présent. Nouveau. C'est ça, je voulais dire. Donc, on vient d'entendre, c'était Trio avec Serre-moi. De ces compilations-là que vous pouvez retrouver sur putumayo.com ou dans tous les bons magasins parce que c'est très très populaire comme compilation. Et même votre dépanneur du coin. Je pense qu'il y en a un autre aussi. À côté des CD vierges. OK. Donc, on va terminer la première heure par une autre pièce de Québec émergent 2006 parce que je trouve tellement que c'est bon, The Hot Springs. On va entendre une pièce qui s'appelle The Fog and the Horn. Horn, quasiment craché en disant. Donc, tout de suite à la chanson coureur, la 100e édition. Dans la deuxième heure, Alain Lefebvre sera avec nous, Jean-François Brunel, le créateur original, et Danny Janvier va nous parler d'une compilation électronique. Ça fait du stock, en plus du reste des nouveautés qu'on va, comment dire, skimmer à travers ça. Ça fait-tu des effets de vent dans ton oui, micro? C'est, on fait l'émission dehors, je voulais le dire. Ah, c'est gens. Vrai! Des petits bruits d'oiseaux, je suis même pas capable de faire des bruits d'oiseaux. Des petits gazons, non? On a même de... On a aussi des chimpanzés. Est-ce que tu peux imiter les belles filles qui passent dans le coin? Mm. The Hot Springs, The Fog and the Horn, à la France au courant. Pas des guenons, des filles, Dan. Écoutez la chanson coureur, c'est fou 89.1. encore prêt pour un peu de nouveauté? C'est la deuxième heure de la chance au coureur. Bonjour et bienvenue dans la deuxième heure de la 100e édition de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.fm cette semaine en cheval. Mon nom est Mathieu Plante, Danny Janvier est à ma gauche. Qui était sur le cheval? Les nouveautés, voyons. Okay. Non, pas les nouveautés, ce serait ridicule. T'sais. C'était le livreur Serge Romain, Simon, Georgette, Gauthier, etc. Gaëtan, c'est ça. J'en oublie tout le temps. Gaëtan. Right? En début de deuxième heure, on a entendu Surferino avec Honolulu Nocturne. Surferino qu'on adore. C'est tellement bon. C'est de la musique de beach. La surf guitar, de la musique de plage, c'est clair. C'est ça. Donc, ça vient de l'album Québec émergent 2006. Les artistes, producteurs et maisons de disques indépendantes qui participent à la présente compilation ont été choisis parmi plus de 400 parutions recensées par la Sopref pour l'année de calendrier 2005. Ils incarnent avec verve et passion le nouveau visage de musique populaire amplifiée du Québec. Ça s'appelle Québec émergent 2006 et c'est disponible partout et c'est commandité par un crapload de différents commanditaires. Ouais, c'est la gang des Mimi, locales, distribution, plein de monde. C'est ça, Sopref, Sodrac, Duplication, un paquet de choses qu'on connaît pas du tout. Oui, mais Socan, es-tu là-dedans? Sûrement. Je suis pas sûr. En tout cas, peu importe. Allez voir ça. Québec émergent 2006, c'est très, très bon. Donc, dans cette deuxième heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales, entre autres, Alain Lefebvre va venir faire un petit tour pour nous parler d'un album de Wolf Mother. C'est du rock. Très, très bon. Et ensuite de ça, Jean-François Brunel, le créateur et, de La Chance au coureur, va être avec nous dans quelques minutes pour parler du fait que c'est la 100e émission. Encore une fois, j'arrête pas de dire que c'est la 100e, même si au début de l'émission, j'ai dit que je mettrais pas trop l'accent là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas trop grave. Et aussi, on a encore beaucoup de musique dont... pas trop grave. L'accent pas trop grave. Oh. Oh, oh, oh! C'est un accent circonflexe, ma foi! On va entendre du Killing Joke. C'est justement avec ça qu'on va commencer cette deuxième heure, ou en fait la continuer. T'sais. Donc, on va écouter la pièce qui s'appelle Communion de Killing Joke de l'album XXV Gathering. C'est 25, ça, XXV? Hein? Mmh. 25 Gathering, point d'exclamation? Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Ça t'endort, le chiffre 25. Ouais. C'est le fun. Donc, on va écouter ça tout de suite. À la chance au coureur sur CIF 89 FM. I never see chaud d'eau de scène. De ma femme dans ma possession, by the fire. Physical warfare into place, I had all I desired. Votre poste synthonise de 89.1. Vous écoutez La Chance au coureur avec Mathieu Plante et Danny Janvier. Wow! Hey, souvenir. C'est beau. On est un petit peu ému ici. Là. Ouais, c'est Back to the Future. Oh, c'est beau! On accueille avec grand plaisir Jean-François Brunel, créateur, concepteur magnifique de La Chance au coureur. Wow, un peu plus, tu disais que j'étais beau. Ben t'es beau. Ah, arrêtez les gars, arrêtez. T'es fin, t'es coloré. Je vais revenir si vous voulez. Cool! Oui! Enfin bon, donc Jean-François Brunel, bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Ben, heureux de t'avoir pour cette 100e émission de La Chance au coureur, celle qu'on ne veut pas trop souligner, mais qu'on le fait pareil depuis une heure ou Ben, il le faut parce que quand même, c'est une belle longévité, une centaine d'émissions. Mais faut dire aussi que le concept est excellent. Ah. Oui, ben, le concept a changé avec les années quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, il s'est adapté parce qu'on était supposé être une équipe ici. Ben, c'est ça. En gros, là, on va vous montrer à peu près de quoi ça avait l'air comme concept. OK? Ça vous dérange? On y va. Non, on va aller écouter ça. Dis-moi pas que t'as fouillé dans les archives. Oui. Un extrait de la première émission et on revient juste après la télé-sino, chose. Télé-sino, vas-y. Attention, attention. Vous syntonisez le 89.1 et vous écoutez La Chance au coureur. Alors, bonjour à tous, mon nom est Jean-François Brunel, bienvenue à cette première émission de La Chance aux coureurs. Alors, j'ai quelques panélistes avec moi, et La Chance aux coureurs, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines de l'été, c'est de présenter les nouveautés, les disques qui nous arrivent par la poste. C'est fou ici que notre directeur de la programmation prend un soin, je dirais de moine à déballer, à regarder tout ça. Alors, toute l'équipe de C'est fou est ici aujourd'hui pour nous présenter des nouveautés, des choses qui vont se retrouver sur le palmarès, d'autres qui vont prendre le chemin des bibliothèques. Et d'autres le chemin... D'autres chemins. Tout le monde a sa propre destinée. Alors, j'ai avec moi Danny Janvier. Oui, bon matin, bonjour. Bon matin. Moi, est-ce qu'on présente ce qu'on dit, ce qu'on va écouter cette semaine? Qu'est-ce que t'as proposé? Oui, moi cette semaine, ce que j'ai écouté en premier lieu le Breastfeeder, qu'on va écouter bientôt. Mais aussi, j'ai ça, c'est un groupe rock à gogo, moi je dirais. C'est même pas rockabilly, rock à gogo. Ensuite, j'ai écouté Swanks and Verbrilli. C'est un album lounge ambiant de musique. C'est des Canadiens, de musique électronique, bien sûr. Et j'ai écouté un Québécois, Akido, avec l'album Playtime. Fantastique, fantastique. Alain Lefebvre, bonjour. Bonjour. Ah oui, alors, avant Rock Classique, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter? Oui, bien, ceux qui me connaissent seulement comme l'animateur de Rock Classique, je vais vous présenter un autre aspect de ma personnalité musicale aujourd'hui, de mes goûts musicaux, puisque je vais vous parler du dernier album de In Flames. Fantastique, fantastique. Et ça, on se revoit en fin d'émission. Oui. Donc, excellent. Louis Rousseau, bonjour. Mais oui, bonjour, Jeff. Oui, oui. Un bon 4 à 7 hier soir. Effectivement, et pour poursuivre dans la même veine, je dirais, cette semaine, j'ai choisi de vous parler du dernier album du groupe britannique The Streets, en fait, qui s'intitule A Grand Don't Come For Free. Et en fait, ça devrait être un album assez intéressant puisqu'on mélange la musique électronique, le rap et même l'alternative. Donc, je vous en parle un peu plus tard dans l'émission. Excellent, excellent. Mathieu Plante, animateur de La Connexion, maintenant le dimanche soir à 23h. Bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. C'est l'opposé d'aujourd'hui. Là, on est... Et donc, n'importe quoi. Je parle de trois albums, deux albums, en fait, qui sont comme des samplers, qui sont pas vraiment un album. Donc, je vais parler plus tard du vrai album. Okay? D'accord. Oh. Donc, je vais l'avoir. C'est de la musique un petit peu estivale, là, vous allez voir, ça bouge, c'est rythmé, j'aime bien ça. Mais c'est fantastique. By Divine Right. Fantastique, fantastique. Alors, trêve de présentation. On va retourner à notre ami Danny Janvier qui oui. va débuter, alors on l'a déjà dit, avec The Breastfeeder. Oui, The Breastfeeder, c'est bon. Ouais, ça, c'est de l'historique. Je mets des doubles, Jack, je parle en double. Il parle par-dessus lui-même. Oui, c'est ça, il faudrait qu'il se coupe, Mathieu, là. Complètement. C'est fait. Non, mais on voit quand même, c'est un compliment qu'on peut te faire à Mathieu, sincèrement, t'as pris beaucoup d'assurance depuis ces années. Hey, j'étais tellement gêné, je réécoutais ça hier, j'étais vraiment gêné encore, même, je me rappelais d'avoir été gêné comme ça. Parce que si on se trompe pas, c'était en avril 2004. C'était en mai 2004. En mai 2004. Ouais, c'est ça. Mais... 21 mai 2004, je crois, était la date. Ah. Donc, on va avoir 2 ans fin mai, mais là, c'est la centième émission. Et d'ailleurs, on pourrait aussi commémorer plus rapidement cette fois-là, parce qu'il me semble que c'était long. Donc. Ma première émission, juste pour voir de quoi ça avait l'air. Ben oui. Juste pour me déjeuner un petit peu. Hein? Ben oui, allons-y. Allons-y. Vas-y fort. Bon midi tout le monde, vous êtes à Cifou 89.1 FM, vous écoutez La Chance aux coureurs, c'est l'émission où on reçoit un paquet de disques par camion et on en fait des petites analyses à chaque semaine comme ça. Aujourd'hui, les panélistes incluent Danny Janvier. Bonjour Danny. Oui, bonjour Mathieu. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je vais parler du dernier album de mes aïeux, l'album En Famille, un album vraiment de famille et un album que je dirais à saveur... C'est dur à connoter. La connotation est très difficile dans le sens, c'est ça que je veux dire. C'est hip-hop expérimental, ambiant, assez diversifié. Monsieur Marlin de Vancouver. D'accord. Mephisto, oui. Ensuite. Et bon matin. Bon matin. Je pense que c'est ma première fois le matin. Oui, la première fois à l'émission, en tout cas. Moi, j'ai les grosses pointures du rock. Pour vous autres, c'est les Velvet Revolver. C'est l'album Contraband sorti mardi, tout chaud. D'accord. Monsieur Alain Lefebvre, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Tu me parles de quoi aujourd'hui? Moi, je vais vous parler d'un album d'une fille de Montréal, Melissa Off Dermore, un album que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter cette semaine. Oui, d'accord. Et Mathieu Plante, bonjour, c'est moi-même. Je critique aujourd'hui Epic Jean, un nouvel album qui s'appelle Popular Descent et Disarming de la... canadienne, québécoise, elle a déjà vécu à Québec, en tout cas. Donc, Amber Swift, Amber avec un E en plus. Oui. Son album s'appelle Disarming. Donc, vous écoutez La Chance au coureur, on revient tout de suite à C'est Fou 89.1 FM. Ah, que de souvenirs. Ah oui. Ah, c'est beau. Donc, c'était la première édition que j'avais animée, hein, de La Chance au coureur, en remplacement de Jean-François Bounel dans ce temps-là. Hein? Qui devait nous quitter pour... De meilleurs cieux, peut-être? Ouais, ben, il faut croire, hein. Il faut croire. C'est, on essaie toujours d'améliorer notre sort dans la vie. On essaie. On réussit. Ah oui, oui, oui. En général, quand je vous regarde, là, deux beaux jeunes hommes épanouis comme ça. Ouais. Donc, au début, le concept de l'émission, c'était vraiment plus de faire un tour de table avec toute l'équipe de C'est Fou. On avait vraiment mis le paquet sur trouver du monde. Les invités. Puis on voulait recruter beaucoup de gens qui faisaient des émissions ailleurs, venir faire un petit panel. Ouais. Mais hein, la vie est ainsi faite, c'est difficile de donner un rendez-vous à plusieurs personnes. Hein. Surtout que la plupart de ces gens-là avaient aussi d'autres émissions, donc à un moment donné, tu te concentres plus sur une seule de tes émissions. Et puis... Mais peut-être qu'avec la technologie, on pourrait se renouveler, tu pourrais enregistrer des petites chroniques pendant la semaine. Peut-être qu'on pourrait. Mais là, est-ce que tu continues tout l'été, Mathieu, avec La Chance au courant? Oui, si on revient cet été, on va continuer pendant les mois. Au soleil. Moi, comme je disais à Mathieu, c'est mon seul rendez-vous radiophonique maintenant, c'est fou. Ah oui? J'avais E3 et j'avais la connexion. Mais là, peut-être je vais revenir à la connexion de quelques fois cet été. Intermittent. Là, exactement, mais j'aime mieux... T'es un gars connecté, c'est pour ça. Ouais, j'aime mieux... En ce moment, j'ai trop de projets un peu partout. C'est bon signe. Comme tu le sais si bien. Oui, en effet. Mais tu me réinviteras, Mathieu. Moi, j'ai quelques disques qui sont chauds dans le ghetto ces temps-ci. La good shit. Notamment le dernier Thievery Corporation, International Sound, qui... Il doit être brûlant à force de tourner dans mon dans mon ordinateur portable pendant que je travaille. Mais disons que l'invitation tient à vie, donc je te donne tout de suite et puis tu reviens. On passera. Ouais. On peut passer le mot aussi aux animateurs qui nous écoutent en ce moment. Mm-hmm. Si on le goût de venir nous voir le vendredi matin, ils arrivent avec leur album, ils nous avertissent au pire une journée d'avance. Puis même s'ils arrivent sur le coup, on va s'arranger, on va leur laisser une place. On leur fait une petite place. Avec l'expérience, vous avez une capacité d'adaptation hors du commun, j'en suis certain. Enfin bon. Donc la Chance au coureur continue tout l'été et de retour cet automne, évidemment, et peut-être à perpétuité jusqu'à temps qu'il se passe de quoi. Il va falloir passer le relais parce que c'est un bon concept. C'est quelqu'un qui cherche une émission à prendre en charge, ça peut être une belle expérience. Est-ce que tu restes encore un peu? Ben, je vais voir, est-ce que vous ouvrez du vin comme à tout le monde en parle? On aimerait ça. Ah, je sais pas. Pas de budget, par exemple. Donc, d'ici là... Je m'en allais dire d'autres choses. D'ici la prochaine intervention, Danny Janvier nous parle d'un album d'électronique. Oui, ben, je vous en parle. J'en parle tranquillement. J'ai écouté ça. C'est un album triple. Ça nous vient de France. C'est, vous savez, là-bas, la musique électronique fonctionne bien. Et c'est un collectif qui s'appelle Quartz. Quartz, Q-W-A-R-T-Z, et non Q-U. Donc, ben c'est ça, ils ont fait un appel à tous, à des projets mondiaux, partout, ça vient de partout, sur toute la planète, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Suède, il y a à peu près juste le Canada qui n'a pas un représentant, donc il serait temps qu'on envoie de la musique là-bas. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est regroupé, c'est un album triple, et le premier album s'appelle Tonic, c'est une musique électronique... pop, électro-pop, électro, un peu clash, un peu le son qu'on a de ce temps-ci, avec des gros sons monophoniques et monosoniques qui nous viennent des années 80. On a un deuxième album qui s'appelle Atmosphérique, que lui, ben, ça le dit, hein, c'est un album atmosphérique, beaucoup plus relax. Tantôt, je l'ai mis chez moi, puis j'oubliais que j'écoutais de la musique. C'était vraiment très, très, très enveloppant, c'est très bien. Et Dancing Bell, qui est un album justement plus dance floor, avec, on a le goût de se brasser les fesses. Donc, j'ai pensé peut-être mettre une pièce de chaque, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. On va commencer quand même avec l'album justement Tonic, la première pièce qui s'appelle Léonard de Léonard avec Robot Will Save Us, qui est un projet de France justement. D'accord, tout de suite à la 100e édition de la chanson coureur. Vas-y, tu peux y aller. Dis ce que tu veux. Je vais faire la... On revient. Dani, présente la pièce s'il te plaît. Donc, Leonardo de Leonard, Robot Will Save Us de France. Votre poste s'intonise de 89.1. Vous écoutez La Chance aux coureurs. Qui nous présente l'album Electronic Music Award avec l'album, la pièce, pardon, Leonard de Leonard avec Robot Will Save Us. C'est une excellente pièce, moi en tout cas, je vous dis, musique d'été, vraiment à voir dans nos oreilles. On veut remercier Jeff. Oui, c'est vrai, je savais pas qu'elle allait partir comme ça. Fait que Jean-François Brunel, créateur et concepteur de La Chance au coureur, merci d'avoir été avec nous et au revoir. Oui, et maintenant, on va s'en aller sur le troisième album. On va laisser passer l'atmosphérique, qui est vraiment pas à dénigrer, là, vraiment. C'est juste parce qu'on n'a pas assez de temps, on manque de temps. Et puis, on va aller écouter Vitalik. Ça, c'est le projet avec No Fun in Hockey Cowboy. Tout de suite, à La Chance au coureur. No guitars. No straps. No leather. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. guitars. No stops. No leisure. No fun. Tiré de la compilation Music Electronic Award. Donc, allez voir ça, quartz.com. Sûrement que Mathieu va mettre le lien sur le site. Donc, sur chance.cif.ca. Oui, et on a écouté Vitalik avec la pièce No Fun in Hockey Cowboy. Yeah! À la chance au coureur! Donc, avant d'aller à Alain Lefebvre, dans quelques minutes, même pas, hein, on va passer une petite pièce de punk rapide, mon ligne tout de suite. Tragedy's appealing. La formation rock et emo Monin avec If Tragedy's Appealing, Then Disasters and Addictions. C'est un groupe de Toronto au Canada. Et c'était du punk, donc sans commentaire. Alain Lefebvre est avec nous pour parler de rock, de vraie bonne musique. Bonjour, oui, pour votre centième. Mais non, merci, c'est trop gentil. On a participé à peut-être quoi, à 10 émissions là-dedans. Oui, mais on t'aime. Toi, t'en as participé à pas mal plus que ça. Pas mal plus que n'importe qui d'autre, à part nous deux. Hein. T'as fait pas mal plus que 10 participations. Là, on te voit presque chaque semaine. Ah. Pas tu fais pas une critique tout le temps, mais tu viens nous dire un petit... T'es un régulier. Ouais, ben c'est gentil. Mm-hmm. Je vous parle aujourd'hui d'un trio surprenant, un jeune trio australien qui s'appelle Wolf Mother et qui fait de la musique qui reprennent des idées... qui font du rock traditionnel. Il me rappelle beaucoup, je sais pas si tu connais, Danny, la formation Blue Cheer, non. Formation californienne de la fin des années 60, qui faisait une espèce de hard rock assez... ça déménageait, c'était assez violent pour l'époque. Ils ont entre autres, fait une reprise de Summertime Blues, qui est devenu un véritable classique. Donc, ce groupe-là, Wolf Mother, australien, reprennent un peu ce que Blue Cheer faisait, Black Sabbath, c'est un power trio, mais il y a aussi du clavier, il y a de l'orgue là-dedans. C'est vraiment très, très, très, très bon. Je suis tombé en amour avec leur album. Souvent, il y a des groupes de plus en plus comme ça hein, qui reprennent des idées qui datent d'il y a 40 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est pas tout bon. Tu sais, The Strokes qui reprennent un peu ce que les Kings faisaient dans les années 60. Moi, personnellement, je préfère les Kings. Il y a aussi The Darkness qui ont eu beaucoup de succès. Moi, The Darkness, le dernier album, je l'ai trouvé franchement très mauvais. C'est vraiment pas un album de rock. Et étant un amateur de rock, ça m'a beaucoup déplu, surtout leur petit violon disco, là. Mais cet album-là de Wolf Mother m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup plu. Il sort la semaine prochaine. En fait, dans la première semaine de mai. Et on va écouter une pièce tout de suite. On va écouter le premier single qui va être extrait de cet excellent album éponyme de Wolf Mother, la pièce Woman. À la chance au coureur. Talking to me. Et c'est le trio Wolf Mother avec le premier single qui est extrait de leur album à paraître, album éponyme. C'était la pièce Woman et l'album est pas mal tout comme ça. Ils sont vraiment toutes bonnes. Toutes les pièces sont très très bonnes comme ça. On va en écouter une autre d'ailleurs. Là. C'est pas nécessairement la meilleure encore là, mais c'est vraiment un album de très grande qualité. On va écouter la pièce Witchcraft, la dixième. C'est donc un album d'été, ça. Oui, oui, absolument. C'est au retour à la chance aux coureurs sur CIFU 89 FM. Bon retour, c'est les dernières 5 minutes de La Chance aux coureurs, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est Fou cette semaine. C'est la fin de l'émission déjà. On s'en va vers une dernière pièce de Wolf Mother. Canet Lefebvre nous a critiqué aujourd'hui. Nous a parlé d'eux aujourd'hui. Pas oui. Critiqué, t'aimes pas le terme critique. Non, j'aime pas. Mais j'ai, moi personnellement, en tout cas, je l'ai bien aimé cette album-là. Merci. C'est une appréciation personnelle, bien sûr. Cool. Donc, je remercie Danny Janvier. Rappelle-nous le nom de l'album que tu as écouté cette semaine. Ben, l'album que j'ai apprécié le plus, c'était un album trip, une compilation qui nous vient de Quartz.org, le Electronic Music Award. J'ai aussi écouté Boucan, que je n'ai pas vraiment apprécié, et Edgar Bory, que. Bof, c'est ça. C'était correct. C'est ça. C'était bien. Moi, ben, je vous retrouve à La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est les jeudis à 11h et les mardis à 10h. La Chance au coureur est diffusée originellement les vendredis à 11h et les mardis à 13h. Je vous retrouve aussi dans les palmarès C'est fou, les vendredis soirs de 17h à 21h. Alain Lefebvre suit avec Rock Classique les vendredis à 13h. Si vous écoutez le mardi, c'est l'émission Rap Contact qui s'en vient. Et si vous voulez réentendre les pièces francophones que vous avez aimées aujourd'hui, écoutez Pure Laine les samedis matins à 9h et les jeudis à 13h. Et ça, c'était du par cœur. Allez, le faire, on s'en va entendre Wolf Mother avec une dernière pièce. Ouais, la pièce Witchcraft. Et au revoir à la semaine prochaine. Attention à vos genoux, etc., etc. Ok, bye bye, là. Ok. Good shit, c'est ta good shit, ça. Oh, yeah.